provoque. Ça c'est la provoque. Ça fait des trucs dans mon froc. Je crois bien que je débloque. Cracher tous ces glavios devant un film de Leonardo DiCaprio. Ça c'est la provoque. Dire que les Bretons sont des cons entre Quimper, Van et Redon. Ça c'est la provoque. Jeter par terre des sacs McDo devant une manif d'écolo. Ça c'est la provoque. Couper la télé dans un bistrot en pleine finale de l'Euro. Ça c'est la provoque. Ça c'est la provoque. Ça c'est la provoque. Car pour moi c'est plus qu'un toc. Ça me rend vraiment sinoc. Ça c'est la provoque. Ça c'est la provoque. Ça me fait des trucs dans mon froc. Je crois bien que je débloque. Ça c'est la provoque. Ça c'est la provoque. Car pour moi c'est plus qu'un toc. Ça me rend vraiment sinoc. Ça c'est la provoque.